On a rien à foutre de l'État, on prend que des billets là pour les niquer. J'ai posé avec des chamelles, on va cailler. J'ai posé avec mes gavins, avec mes MTR. Baudinard, MTR. Avec des chamelles, avec des gros culs. Ouais. J'ai posé, jamais dosé. Pas mal cousin, pas mal. A jamais je suis un enfant du Cameroun, sois gay, à jamais pour la France, à jamais je suis parisien, eh, y'a que ça, ouais. À la NEMA, on a les techniques de faire du sale, ouais. À jamais on te casse le tempo, ouais. Tellement je suis 100% africain, mon logo, oh, ah. On est fatigué de racailler, ouais. Dans nos quartiers, si on fait des erreurs, c'est pour être le meilleur. On est les meilleurs à 100% ma gueule, hey, hey. On nique l'État, on nique l'État, on nique l'État. Désert, désert, désert. Tu as du désert, t'as des bezels quand tu poses pas. Tu sais ton portable, arrête de chauffer. Tout ça va chauffer, climatisé un désert. Quand tu as pas la radio, ton radio est éclaté au sol. Quand t'écrases pas, ta tête est écrasée au sol. Matin, matin, regarde pas ton portable quand il est posé. T'es sûr, on dirait, il est fatigué. On dirait un éclat de soleil quand tu as pas. Ton radio est éclaté au sol. Quand t'écrases pas, tu viens fatigué, fatigué, épuisé. Crédit épuisé, ton smartphone 4G épuisé, 5G épuisé. Quand ton cerveau est épuisé, réveille ton cerveau quand tu as pas un radio. Éclate au sol, écrase mon tête. Oh. Comme au désert, soldat 9-2-I. On est posé ici avec Doudou et mes trois soldats. On est posé, trois mousquetaires. On est par là, ici. Quand tu viens pas, L'État c'est pas ton sein. Les billets, ça fait du bien quand t'as des billets. L'État, on tient au whisky. On nique l'État, on a rien à foutre de l'État. L'État qui reste pour l'État. On veut vendre comme escobar pour prendre des billets. Jamais on a ça, on veut la monnaie. Mais où est la monnaie? Mais où est la monnaie? Mais où est la monnaie? Mais où est la monnaie? Où est la monnaie? Le flouze. La petite collab qui fait plaisir. On a rien à foutre de l'État. On a rien à foutre de l'État. On baisse l'État, on prend des billets. On veut que t'es payé. Faut payer les impôts. Dans ce monde-là, tu peux rien faire sans billet. Loïc. Rien à faire, rien à faire. On nique l'État, on prend des billets. On a rien à foutre des billets sans billet. Attends, mais j'ai débranché mon casque. Là. Ok, ok. J'entends rien. J'entends rien parce que j'ai débranché le casque. Sex. Ah, ok, ok. Voilà. Un message subliminal, tout dans le rectal. Okay. Loïc. On nique l'État. Parle de codé, c'est ce qu'il connaît. Par contre, comme il était pour t'égorger. Oh yeah. Ouh. Tu dois t'épiler. Tu dois t'épiler. Ouh. Ce que des. Fais-nous le Molière. Non mais ça c'est vraiment Vas-y mon chacal. Je sais pas quoi faire, j'ai pas freestyle moi. J'ai pas freestyle. Séquence ASMR. Oh non, mec, c'est trop dur. Ça va être trop dur. Ambiance posée. Oh ouais. Oh oh oh. On dirait que la voix d'un. Scudé. Marc Dutroux. J'ai pas kické. Je sais pas, c'est Loïc, mais c'est pas Loïc. Qui c'est Loïc avec la tête. Je sais pas rapper, mais c'est pas grave. Je m'en bats les pecs, mais c'est pas grave. Je sais pas quitter, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Aïe. Non, vous êtes chaud. Lève-moi bébé. Lève-moi ton corps de panthère. Lève-moi tes yeux de panthère. Dire ni à ta mère ni ton père. À jamais je te vois. La chambre ma mère. La chambre ma mère. On n'a pas peur. La chambre ma mère. Viens, snack. Montre-moi ton corps bébé. Jette-moi ton poule bébé. Encore les bébés. Encore les bébés. Encore les bébés. Ma chambre m'appelle pour toi bébé. Jette-moi ton corps de rêve bébé. Je dirais ni à ta mère ni à ton père. Jette-moi ton corps de rêve bébé. Je voudrais jusqu'à ça que tu m'as vu. Jette-moi ton corps de rêve bébé. Tout avec toi, ouais. Entre moi et toi, y'a trop confusion. Faut pas bébé, girl. Faut pas bébé, girl. Non, non, non, non. Faut payer. L'État faut payer, l'État faut payer, on nique l'État, faut payer. Bah, il est anarchiste ou quoi là ? On nique l'État, faut oui. payer dans les poches billets. Merci les gars. Qui rate l'État pour eux, les billets. On aime que les billets. Allez, lance-toi là, je sais que t'as envie là. Allez là, Loïc. Loïc Banks. Bang, bang. Oh. Ouais, ça me tait, les gars, c'est pas encore. Loïc. Allez, Loïc. C'est carré, c'est carré. Ouais, Martin. Ok, ok, ok. Martin, je veux vert. On tire un dragibus vert. T'es vert. Comme un billet vert, quand tu iras bien, ça sent quand tu poses ici, Martin. Billet vert, cheveux verts, on dirait une pelouse, t'es cramé au soleil. Martin, Martin, quand tu chantes, on dirait un oiseau qui chante. Martin, Martin, quand tu bois de la bière, tu fais de la bière. Ouais, Martin, beaucoup de bière, beaucoup de bière. Quand tu bois de la bière, tu fais de la bière. Non mais... Ok, pas de soucis. Je vais m'éloigner. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Wesh les frères. Bien sûr qu'on est là. Martin, t'es brûlé comme un désert. Marocain du soleil. Que ça veut faire? Que ça veut faire? Ah. Hardcore. À la Tupac hardcore. On y va à la Tupac hardcore. On y va à la Tupac hardcore. Les gringues. Attends, je te passe le mien. Lucas, sur sa zone. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Allez, lourd, allez, lourd, allez, lourd. J'attends. Ah, deuxième. C'est toi le premier. Hein? Elle tété. Mais marche pas. Mais genre, marche pas. Je sais pas si marche. J'ai l'impression que rien marche dans ces trucs à lui là. Ouais, j'ai l'impression que rien marche. Vas-y, rappelle comme ça, c'est pas grave. Ouais, Martin. Vas-y, c'est pas grave. Ouais. Martin. Non, mais bon instruct, c'est gros. Bon instruct, c'est bon. Tu sais comment marche en plus ce truc? J'apprends. Martin, crème au soleil, un désert. Ça part en vrille. Tellement je suis Yohan Nsoué. J'ai envie de te faire de la moule. Il veut pas passer. Eh, hey, doucement, après moi je vais dans les graves. Je vais dans les graves, moi. Moi je peux. Mets une grosse insu là. Je vous règle là. Ouais, moi numéro, je sais même pas comment c'est. Ah la lourde. Attends, porte dessus. Vas-y, rappelez comme ça, c'est pas grave, vas-y. Ouais, c'est brave. Vas-y, rappelez comme ça. Charo, tu dis Charo. Ma tu dis Charo. 7-7-9-9-3, posé ici dans le square. Avec tes cheveux verts, tes cris au soleil. Viens pas crier, t'es crié pour les crier. Pour les présidents, tu ris. Tu manges pas, tu bois pas, tu fumes pas, tu trompes pas. Tu sens la puce quand tu fais de la bière. Tu putes de la puce, cannabis dans la bouche. Tu sens la puce, tu sens la bière. Va dormir mon cas, mon chacal. T'es posé ici. Je suis posé ici dans le jeu. Eh, ici, ma vie c'est bondi à jamais. Eh, nous sommes les freestylers à la Kylian Mbappé. T'inquiète pas, je te fous le ralté. Sinon, c'est ça, moi, you one and so where. Ok. Martin, t'es où? Martin, t'es où? Ah, ok, ok, ok, ok. Yoann, Yoann, Yoann. Et Enzoé, je lance impatient. Je lance impatient. Elle marche pas ton micro là. Je lance impatient d'ici. Je venais à la radio souvent. Je venais à la radio souvent. Elle marche pas encore le micro. Putain, c'est des bonnes inspirations. Hein. C'est possible que tu nous envoies tous par. Hey. Je me déterre dans ma vie, ouais t'es mon déterre, eh hey. 80-340, c'est ma vie à jamais, ouais bondi, ouais c'est mon zgue à jamais, j'ai ça dans le cœur, eh hey. Ouais, Martin, MTR, Martin, collab Martin, avec Martin, moi. Martin, c'est Martin toi. Martin, Martin. Le salut du matin qui passe France 5 le matin, t'es posé en armée 2000. Moi 2000, j'ai 3 ans quand j'étais petit en 97. 1987, 6 ans, 27, MTR26 posé ici. Ouais, Martin, regarde, regarde pas de télévision, ton bus il est passé. Il est éclaté au sol quand t'arrives pas, on va tout à fait débourrer. Éclaté au sol, on tire un zombie quand t'arrives pas. Allô, Martin, on tire un zombie quand tu es Halloween, on va te mitrailler avec. La pose des charbons, génère tout noir, on tire un charbon. Martin, je suis Billy Grosvoir. Ouais, ouais. Deux secondes, les gars, je vais pour moi. Tranquille, tranquille. Yo, TJ! What you fucking up? Il est posé ici dans le quartier. Martin, il est posé dans le quartier. À boîte bondi quand tu viens pas ici. C'est Martin, il pose à boîte bondi. Non, pas eux. J'ai un son en plus. Elle t'aime, nous sommes tous. C'est lui qui va faire le son tout à l'heure. On peut l'envoyer par celle-là. J'avais un son. Ah ouais? C'est ça. J'ai dit. Tu peux l'envoyer sur ton. Ouais Martin, Martin, Martin, il vient du Martin, il vient du ciel, c'est Martin, quand il est posé à Bondy, on arrive au matin, quand tu es caliente, tu viens du soleil, Martin vient du désert, ma couleur elle est trop jaune, on dirait de la petite pierre, Martin, Martin, il s'était du matin. On dirait les années 2004, quand j'étais trop petit. La Air Max elle est sortie. Martin il a porté des Air Max quand il était petit à maternelle. Il était tout petit quand j'étais petit. Martin il était caliente au soleil. Il s'est bronzé comme au barbecue. Martin. Hey, how you doing, sweetheart? Y'all need help with this one? Nous sommes français. Je parle les francs. Hey, y'all wanna come party with me? Yeah. Y'all wanna dance? Keep on track with me. Martin, Martin, Martin, j'ai posé ici. Dans le quartier, après son G, les animaux de Bondy, quand t'es venu ici, par ici, par là-bas, t'es venu à l'ouest, t'es à l'est. Tu pars en RERA et B, tu pars à l'est, à l'ouest. Traverse pas le désert. Martin, il est venu ici, il a pris le train pour aller au désert, marocain du désert, il est parti à l'ouest, il a pris un tracteur pour aller au désert. Il est venu, Martin, avec son tracteur, on va faire le champ, on va prendre des foins, du foin, du maïs, du pain. Hey, y'all wanna come party with me? Yeah. Hey, je suis français. Oh, oh, hey, hey, hey, je suis Yohan, hey, tracteur africain. Pour toi, bébé, hey, je vais faire le show à Bondy. Dans le 93, chez Martin, ouais, t'as mangé ça à Bondy, ouais, ouais, ouais. De faire du sale, ouais, à Yaoundé, ouais. Tu connais les gens de Yaoundé, hey. Oh, bébé, girl, comment t'es fraîche? Oh, yeah, yeah, oh, j'ai le swing de Michael Jackson dans les tropiques, ouais, ouais, my girl, hey. Le tempo et moi à Panama, jamais, hey. J'ai le flow à Paris, bon, ouais, à moi-même. Et Balang Gloria, je la froisse à jamais, eh, eh. Tony Parker, eh, ton aime au basket, un peu pas fait mieux, eh. Moi je suis Yohan Nsoué, eh. Je t'apprends les deux 1 contre 1, les 3 contre 1, ça fait 3-3, les bonnes j'aime, oh, eh, Joaquin Me, eh. C'est Yohan Nsoué à Panam, eh. Il te ferait du sale, eh, eh. Le sale, c'est moi à jamais, eh. Oh, oh, Nsoué, eh. Oh, my name is Yohan, ouais. À l'intérieur c'est vite, je m'épanouis. Je risquerai d'éveiller ma folie. Que la monnaie s'invite dans la famille. Quand la brune est bienvenue dans la partie. Une histoire qu'on retient. Une histoire qu'on retient. Y'a que des bavons chez les miens. Y'a que des bavons chez les miens. Une histoire qui est refait. C'est la façon dont mon corps doit tomber. Au son de la cache, les gars sont remplis de schnaz. J'serai au moins dans le cul d'arconnasse quand j'aurai pris le coup de grâce. Passe les gars, passe les euros, passe les années. Passe les clashs, guerre, ma carrière est selon Fané. Le fan mondial t'a dit rager comme il crime, j'en suis pas fier. J'suis avec les hauts, fuck les chemises. Trop de mal, mon slip en... Oh oh oh, on est sur Metanoia, on est en direct, Pinot. Il est 17h. Il y a la musique, il y a des gens qui se lèvent, qui se posent, qui changent de rythme. Excuse-moi les gars, je peux juste mettre un son. Ouais, il va mettre un son là. Attends, mais... Qui est décédé, vas-y, vas-y, parle. Merci. À 000, là. Voilà, parle. Allô, bonjour. Désolé de couper, d'interrompre cette partie de freestyle. C'est juste que je voulais passer un son parce que mon ami est décédé il n'y a pas longtemps et il faisait du rap et je voulais juste passer un son à lui. Voilà, merci. Ok, tu s'appelles, comment s'appelle ton ami? Tu peux dire son nom, le il nom s'appelle, son nom d'artiste c'est Cirose et son nom c'est Lucie. Cirose, Lucie, et tu vas mettre quoi? Tu l'as sur ton téléphone? Oui, oui. Mais il te faut un câble. Il faut un jack. Tu veux un mini jack? Oui, s'il te plaît. Attention avec les câbles. Tiens, voilà, voilà. Merci beaucoup. Attends, il faut que c'est court, mais ça va. Là. Voilà. Le son s'appelle Pourquoi et c'est de Cirose. Cirose. Merci beaucoup d'avoir laissé ce temps pour Lucie. Merci. Oui, Lucie est partie dans notre vie, dans les autres mondes. Qu'est-ce que tu disais, Johan ? Prends un micro, sinon on t'entend pas. On prend le micro. Oui, je voulais savoir par rapport au son. Vas-y, vas-y, Johan. Par rapport à ce son que tu as fait. Oui, ça c'est pas moi, c'est un ami de Loïc qui s'appelle Lucie, justement, Lucie, qui est parti, c'est ça ? Ouais. Ah ok, mince. Je lui repose en paix. Mais oui. C'est un truc tragique un peu. Moi, je te dis un truc qui m'est arrivé l'année dernière. Ouais. Mais j'ai perdu ma mère. Ah, ouais. Mes condoléances, ouais. Johan. Ah ouais. Donc, je me remets tout de suite à la vraie vie. Hein, dès qu'on se lève le matin, il y a toujours des trucs à faire. Ouais. Et je sais qu'est-ce que c'est d'avoir perdu quelqu'un. Ouais, oui, ta mère, elle était radieuse. Ouais. Elle pensait à beaucoup de choses. Elle s'appelait Rose. Rose, ouais, je me rappelle, tu m'as dit. Ouais. Tu l'as fait une chanson à elle aussi. Ouais, Rose. Mais je l'ai perdue. Malheureusement, je l'ai perdue. Et si je peux dire quelque chose, c'est quand on a des choses chères, ne jamais les laisser tomber. Toujours les garder en soi. Ouais, oui. Puis, chose de chère, je me dis chère. Hein. Mm. Des choses chères. Oui, puis c'est bien ce que tu dis, elle était radieuse. Enfin, elle était bien. Ouais. C'est exactement ça. Est-ce que tu veux faire une petite chanson, un hommage à Rose ? Oui. Vas-y. L'instru que je t'ai mis tout à l'heure. Bah vas-y, remets-le. Tu peux le remettre. Par contre, je pense que les gens, ils en vont pas à écouter. C'est là on peut écouter si tu mets les. On est au casque là, si tu mets le casque on peut écouter. Tu mets ça et puis tu mets les morceaux, ça va passer. Je mets ça. Et après tu mets le mini jack qui est là. Regarde. Mini jack, ok. Attends, on ne m'entendait pas. Si, c'est juste qu'il faut qu'on le passe par un. Voilà. Là tu peux y aller. Par contre, il faut mettre du casque sinon on n'entend rien. Je dois mettre le casque. Oui, là tu as les casques, il est mis quoi, c'est bon. Ok, donc là ça passe. Ouais, vas-y. Voilà. Pour les casques, il faut que tu mettes les casques. Billy, go get her, Billy. Et là, à la radio, ça passe. Hey, how you doing, sweetheart? Y'all need help with something? Some français. No, don't call it front. Hey, y'all wanna come party with us? Yeah. Il a perdu sa mère, il est en train de parler de sa mère. C'est pas grave. Continue, c'est bon. C'est bon, tu peux continuer. Continue là, ça passe à la radio. C'est la radio quand même. Ouais, les gens t'écoutent ici, hein, y a pas de soucis. Vas-y, continue. Hey, how you doing, sweetheart? Y'all need help with something? Nous sommes français. Don't call it front. Hey, y'all wanna come party with us? Yeah. Y'all wanna dance? Oui. Come on, man. Ringo, j'essaie de mettre le. Rose. oh, et c'est qu'à ma putain de madre en chair et en os, je t'affronte sur ce tempo. La rose et ses cas étaient belles, ouais. Elle m'a mis en franc, a bondi. J'ai gardé plein de choses d'elle, tellement elle a vibré dans mon cœur. Camerounais à jamais, à la mort, ouais. C'est mon tempo de la vie, ouais. Que j'ai trouvé. Hey, je suis Yohan Nsoué dans le cœur, ouais. À jamais, c'est moi, à jamais, hey. Je suis un deuxième de cette vie, cette femme qui est virée en or, ouais. À jamais de mon tiendré, tu es magnifique, tu es mon sang, ouais. Hey, à jamais je resterai, à jamais je resterai ton enfant, à jamais dans le tempo, ouais. Yaoundé, au secteur, ouais. Hey, hey, à Paname, ouais. À jamais gravé dans la roche, ouais. Hey, hey, hey, hey, oh, ta. Sensibilité ressemblait à Michael Jackson, ouais, hey, heureusement que t'as viré, oh. Ah, je veux. Ah, je veux. J'ai assez de danse, danse, à jamais, my girl, ouais. Danse, danse, danse. Tu l'as jamais. C'est faux. Qu'est-ce que je vise? Le soleil à jamais pour toi. Je me battrai à jamais, maman. À maman du ciel, à jamais, ouais. Yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, eh. Mon nom c'est Ensoé, eh, eh, eh. À la base, eh, on est tous là, ouais. Environ, ouais, pour longtemps, ouais. Si Dieu nous accorde tout ça, ouais, eh, eh, eh. Jamais, je suis Yohan Ensoé, ouais. Tu me la racontes pas, non. Je suis juste Camerounais, eh. Te dis à jamais que ma madre était ça, ouais. Elle a un rêve, la vie, ouais. Protéger ses garçons, ouais. Ouais, moi je suis le deuxième, à jamais, ouais. Eh, eh, eh. Yohan Ensoé, c'est violent, eh. La puissance de Toro, eh, c'est ça, eh. À jamais, à jamais, eh. 4 mai à la base, c'est ma visite, jamais, ouais. Eh, laisse tomber, mon gars, eh. T'es pas allé, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas. T'es pas de ma pointure, ouais. Le Toro, 4 mai, à jamais dans les tropiques, tu verras Yohan Ensoé, eh. À jamais, eh. Maman, à jamais, c'est maman du ciel, à jamais, eh. À jamais, je vois que toi, maman rose, maman rose. Maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman. Des fois pour maman, c'est de là. Bien, super, c'est... Parle, parle, c'est bien, c'est très très bien, merci. Un peu bugué par rapport à ta dispersion. Très, très bel hommage, Johan, très très bel hommage. Merci, c'est bien ce que tu as fait là. Ouais, je pense qu'elle t'a entendu dans le. Où il soit. Prends le micro. T'as un talent pour la musique comme ça. Micro, Loïc. Parlez au micro, parlez au micro. Gardez les casques. C'est très joli. C'est très joli. Ouais. Il a vraiment un talent. C'est très bien. Tu sais comment, tu sais comment t'adapter à toute forme instrumentale. Ouais. Et ça, franchement, c'est un don. C'est un don, ouais. C'est un don. C'est, un don. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup plus. Et j'aime bien la mixer avec un peu mon parcours de vie parce que... Ouais ouais je vois, ça va très très bien, c'est parfait, ça colle ouais. très bien. Les paroles sont très bonnes en plus. Ouais, mais je travaille avec les paroles mais bon c'est un truc au freestyle tu vois. Ouais je vois, et même l'intonation, comment tu portes ta voix, comment tu la transposes sur la musique, c'est très très joli. Ouais. Ouais, ça c'est précis. Et toi tu voulais faire quelque chose non? Non, j'ai juste passé le son pour mon ami. Mais vous pouvez mettre des sons là. Ringo, tu voulais faire quoi? On va demander à Ringo. Comment ça va être ton pote? Bilal. Bilal, tu peux mettre un casque comme ça on est. prendre un micro là, on a les sons. Ringo, tu voulais mettre quoi? Tu peux nous dire? Non, laisse-le chanter, est-ce que j'ai entendu sa maman quand même? Oui, c'est ça vrai, y est, c'est elle bon. Elle a eu le concert, Elle fumait? Non, elle fumait pas. Ah, c'est ouf. Elle m'a pas prévenu. C'est vrai? Bon, prenez le micro parce que comme ça on peut tous entendre. En 2019, elle a commencé à apparaître et c'est déjà trop tard en fait, du numéro du 22. Oh mon dieu. Et elle a pas prévenu pour nous protéger en tout cas. Oui, je vois. Bah, c'est comme. Non, c'est pas pour te protéger. Elle, non, mais si. Elle avait pas envie que tu sois stressé. Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est pour pas qu'il soit mal. Tiens, mets-toi ça. Elle est partie, seule en sans dire sa balade. Ok, on est tous au micro. Et bah, franchement, toutes mes condoléances, Johan. Et j'espère qu'elle est là où elle est meilleure. Voilà, elle est mieux. Et sans indiscrétion. Lucie, c'était un ami à moi. Qui faisait de la musique avec moi. D'accord. Et du coup, il est décédé il y a un mois. Ah ouais, un mois. Ouais. Ah ouais, il y a un mois et du coup, non, c'était très compliqué, très complexe. Ok. Non, mais si t'as pas de mots encore, je te comprends tout. Putain. Ouais, c'est dur. Mais je pense qu'il aurait fait la même chose pour moi, il aurait passé des musiques à moi, il aurait essayé de parler un peu plus à tout le monde et... Ah ok. Et c'est ce que j'essaie de faire, de partager un peu de vibes, de ce qu'il a fait. Tu comprends bien qu'est-ce qu'il dit. Hey, Toto, regarde les chiens, ils sont au milieu. Ouais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Oui, merci, c'est beau ce que tu as fait, l'hommage que tu as fait à ta maman. Ouais. L'hommage qu'on fait aux gens qui passent dans d'autres mondes. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Prends un micro. Non, c'est bon, j'ai rien à dire. Oui, mais bon, on a tous un truc à dire. Vas-y. Bah écoutez, oui. Qui veut parler? Bon bah moi je sais pas quoi dire. Si je veux dire quelque chose, c'est... Encore lui? Ouais. Prenez soin de vos amis. Ouais. Prenez soin de vos amis, de votre famille. Essayez de dire le maximum de je t'aime à vos amis, à votre famille. Et... Ouais. Restez vous-même et surtout ne faites pas les erreurs de vous couper... Et d'être en froid avec vos amis, franchement, rester le plus possible accroché à eux, voilà. Ouais. Parfait. Bah écoute, moi, pour ma part, si j'avais quelque chose à dire, ça serait tout simplement de voir la vie au jour le jour, déjà de 1. Ouais. De 2, aussi profiter de ses proches, qui est le plus important. Et dernièrement, ouais. Et en 3e, je dirais qu'il faut pas voir la vie en mal. Même si on a des moments où on passe des épreuves dures, ou des moments sinueux, faut toujours voir le positif. Même s'il y a du négatif dans nos vies, faut toujours savoir être positif. Et savoir surtout avoir le sourire. Le plus important. Ouais, bravo, c'est beau ce que tu dis. Mais dans toi ou quoi? Là, c'est plus au fixe. Et surtout, rester loin des drogues. Waouh. Rester loin des drogues. Voilà. Surtout les drogues aussi. Ouais. Ne touchez pas à ça. Ouais. Bon, est-ce que Ringo, tu veux dire quelque chose là? Mets ton casque, sinon tu restes un peu en dehors que nous. Mais on pourrait faire un peu de. Tu veux mettre un truc? Allez, maintenant il veut plus. Bon, qu'est-ce que. C'est... Attends, on va côté. Ouh, c'est un peu fort, pardon. Il nous manque. Comment il s'appelle là? C'est lui qui chantait cette chanson tout le temps là. Tu te rappelles? Un peu de joie quand même, parce que même si c'est triste la mort, il y a sûr. Hey, salut Magali. On est au casque Magali. Proteini, vitamini, samo daj je guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba joj Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Šta moja proteini, vitamini, samo daje guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba joj Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Radi guzu. Radi guzu. Oui, on est sur Pinode Métanoïac. Il y a Magali qui vient d'arriver, qui va nous amener, qui nous amène toujours sa chronique de poésie, beatnik, de chansons, des. Tu peux lui donner Loïc le micro là, la phrase là, il y a notre. Bonjour. Oui, donc je suis Magali. Aujourd'hui, je reviens à la rubrique un petit peu Beat Generation. La semaine dernière, on a parlé de maquillage un peu cosmique, 100% bio. Et aujourd'hui, je vais faire une lecture de Old par Allen Ginsberg. Donc, c'est un poème d'Allen Ginsberg paru en 1956. C'est considéré comme l'une des œuvres majeures de la Beat Generation, avec Sur la route de Jacques Kerouac, Gasoline de Grégory Corso ou bien Le festin nu de Burroughs. Alors c'est parti pour Hurlement, traduction française de Hall. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche d'une furieuse piqûre. Initié à tête d'ange brûlant pour la liaison céleste, ancienne avec la dynamo étoilée dans la mécanique nocturne, qui, la pauvreté et haillons et yeux creux et défoncés, restèrent debout, fumant dans l'obscurité surnaturelle de chambres bon marché, flottant par-dessus le sommet des villes en contemplant du jazz, qui dénuèrent leur cerveau aux cieux sous le métro aérien et virent des anges d'islam titubants, illuminés sur les toits des taudis, qui passèrent à travers des universités avec des yeux froids d'adieu, hallucinant l'Arkansas et des tragédies à la Blake parmi les érudits de la guerre qui furent expulsés des académies pour la folie et pour la publication d'odes obscènes sur les fenêtres du crâne. Voilà, c'était pour aujourd'hui la lecture de Hurlement lecture, hein. Par Allen Ginsberg. Merci beaucoup Magali. Oui, c'est Allen Ginsberg qui était, oui, comme le disait Magali, un grand poète de la génération. En 1956. Ouais, est-ce qu'on peut peut-être, on va essayer d'écouter sa voix, mais je ne sais pas si on arrive à... Je crois pas, ça marche pas là, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Là, parce que j'avais vu sa voix, qu'il était quelque part, mais il n'arrive pas à faire sonner ça. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on a un autre sujet abordé aujourd'hui, les métanoïaques ? Ou pas ? Sujet. Est-ce que quelqu'un a un sujet abordé avec tous ces... C'est vrai qu'il y a eu plein de motions avant, avec tous les gens qui étaient là, qui sont partis. J'ai appris hier ! Antonin Artaud, un peu... Pendant qu'on réfléchit. Croire que je me retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit. Allô. Ah ouais. Ouais. C'est Antonin Artaud, on peut commenter au-dessus. Hein. Entre on laisse un peu pendant qu'on réfléchit. La semaine prochaine, je vais vous amener des lectures d'Antonin Artaud avec trois textes assez clés pour faire part de son dégoût pour la psychiatrie lourde. Une des pratiques officielles, oui, savoir les électrochocs, la sismothérapie. Oui, on a écouté l'autre jour Médecine et Magie Noire qui disait justement ça. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Et surtout que c'est un peu à la base de l'antipsychiatrie et tout ça. Hein, oui, parce qu'il a aussi été mis un accent sur l'alimentation, le bienfait des amandes, des noix, des noisettes, des produits laitiers, du lait de soja, des légumes, des fruits, beaucoup les légumes, beaucoup les fruits, etc. Oui. Et tu manges quoi en ce moment, Magali? Tu peux nous donner ta recette? quoi ? Ben, moi, j'aime beaucoup la salade avec par-dessus des œufs, des haricots verts et puis du thon. C'est bon tout ça. Putain, t'as crainte de ta femme, mais c'était ce dur. Je voulais aussi un de ces quatre parler du chamanisme parce que le chamanisme est très en vogue. Faites quand tu veux, Magali, tu veux parler de chamanisme. Hein, c'est... Bah oui, parce que le chamanisme, c'est le voyage intérieur, la connexion avec la nature, se réfugier dans des lieux reculés. Voilà, il y a aussi un tourisme chamanique, nouvelle façon de voyager. On veut que toutes les guerres planétaires pourraient ensuite avoir lieu. Et qui serait destiné à réserver un cul. Voilà, parce que le chamanisme intègre le physique, l'émotionnel, l'énergétique et le spirituel. Et donc, c'est un véritable booster thérapeutique, si on sait bien en faire usage. Il y a différentes formes de chamanisme. Il faut aller dans des lieux qui vous plaisent. Tu connais des lieux qui pratiquent un bon chamanisme par... Non, mais par exemple, des fois, juste un kiné de quartier qui fait un peu de médecine chinoise peut faire une séance comme ça de discussion un petit peu comment dire c'est un peu aérien quand même. Mais peut-être tu développes ton propre chamanisme à toi. Hein. Oui, aussi. Alors, il y en a certains qui utilisent des drogues. Hein, parce qu'il y a aussi connu sous le nom de l'ayascuilla, c'est une boisson ancestrale. Et celle-là, elle est beaucoup utilisée aussi. Elle est semblable au LSD. Et elle leur provoque des hallucinations visuelles et sonores. Et ça les mène jusqu'à une impression de réincarnation, d'incarnation, etc. Ça, après, y a des formes plus soft qui, juste avec la parole, peuvent amener à un état de calme intérieur et de voyage vers ses chakras, quoi, à soi-même. Parce que c'est en fait effectuer un voyage intérieur pour comprendre soi-même et se reconnecter. Voilà. Je pense que je me reconnaîtrai plus dans cela. Ouais. Oui. Ouais. Plonger dans le soi-même pour se découvrir. Se redécouvrir, ouais. Je me revois plus dans celui-là. Là. Oui, bien sûr. Ouais, comme plein d'autres, je pense aussi. Mais il y a des décalages, mais en fait, je pense que l'être humain. Sur chaque être humain, il y a quelque chose. Oui. Voilà, c'est un truc un peu qu'utilise l'écologie, la méditation, ouais, le yoga. Et puis tout ça pour être plus proche de la nature, plus proche du monde vivant, vibrant. Pour cette dimension de la nature, loin du matérialisme, loin de c'est bien, c'est pas bien, que quand on dit ça de façon trop... couper comme ça, c'est pas bien ce que tu fais. Ouais. Non, s'éloigner de ça, du jugement aussi. C'est ça. Quand t'es jugé, t'es... Ah, ça te pique en fait, mais... Ça bloque après. Ah, il m'a dit ça, ah, je vais rester dans cette rancœur. Alors qu'en fait, il veut juste t'aider en fait, mais dans ton intérieur, ça provoquait quelque chose de... un peu un truc dur. Oui. C'est ça. Oui. C'est un peu le bien-être. Ouais, c'est ça, ça joue sur le bien-être aussi. Ouais. Feel good, quoi. Des fois, on va voir un feel good movie, on va voir un petit film sympa qui prend pas la tête, et comme ça, en ressort, on se sent bien dans ses baskets, voilà. C'est ça, exactement. Oui. Non, mais tout cela, Martin, moi, ça m'est arrivé, hein, tout ce qu'elle dit. Ouais, Magali, ouais. Ouais, avec le gros tour que j'ai fait en psychiatrie. Ouais. Avec madame. Magali. Non, qui ça? Oui, vous, madame. Isabelle. Tu veux un casque, Isabelle, pour écouter ce que tu en as là? Non, tu peux trop tard. Trop tard. La prochaine fois, je le mettrai parce que. Ouais, mais attends, il y en a là, je te l'amène. Donc, vas-y, continue, John. Ouais, même depuis quand je faisais de la psychiatrie, depuis. C'est depuis. Depuis que je fais de la psychiatrie, depuis que Isabelle m'a vu pour la première fois. C'était ça en fait mon gros chemin à moi. Moi j'ai pas écouté les autres et je me suis retrouvé là. Et en étant en psychiatrie, ben, j'ai appris finalement j'avais une pathologie qui était assez grave quand même. Voilà, parce que les soignants, que ça soit les psys, l'entourage, même parfois les femmes de ménage, tout ça, quand on est hospitalisé, ouais. Tout le corps aux soignants, ils utilisent tout ce qu'il y a de possible pour nous aider. Donc là, je vois qu'il y a des psys qui se forment à être chaman, mais il y en a qui se forment à la médecine aztèque. Et puis tous ensemble, avec chacun un petit grain de sel, et puis ils nous aident. Tout un le dessin, groupe. L'ergothérapie, les collages, la cuisine, les recettes de cuisine. C'est de cuisine, tout cela. Oui. C'est tout ça. Bien sûr, le corps médical, bien sûr. Oui, les repas diététiques, des fois. Tout ça nous aide, nous porte pour aller mieux. C'est ça. Et guérir. Ce qu'on veut, c'est recovery, quoi. C'est la guérison, quand même. La guérison. Oui. Mais nous, après... Quand on a vécu cette guérison, bah nous on a encore une meilleure vision encore de la psychiatrie. Mais on a une fragilité. Une fragilité quand même. Moi je suis obligé d'aller dans le dur en fait. Avec la famille que j'ai eue, j'étais obligé d'aller dans le dur moi. Mais d'autres, ont préservé. Eux c'était beaucoup plus le côté gentil. Mais bah bien sûr. Chacun son chemin. Chacun son chemin. Chacun sa route. Chacun son chemin. L'essentiel, c'est que tout va bien, quoi. T'es même pas lui, toi, je parie, quand il y avait cette musique. Si, j'étais là. J'étais là. J'ai 32 ans, quand même. Rigo prend. Chacun sa route, chacun son chemin. Et Ringo, de quoi tu veux nous parler, mais, Ringo? Mettons-la là, c'est tard. Mettons-la là. Putain, quand j'ai écouté cette musique-là. Ringo, est-ce que t'as regardé des matchs de foot cette semaine? Ouais. Alors, moi, je m'en fous. Le seul footballeur que je vais respecter, tu sais, c'est qui? Non. Qui l'a aidé, la petite? Lequel? Bah, le portugais. Ronaldo? Quel portugais? Non, c'est un portugais. Ronaldo? Non, pas lui. Lui, c'est un brésilien, là. Qui ça? J'ai vu qu'est-ce qu'il a fait sur Internet, j'ai halluciné. Et est-ce que tu vas participer à tous les événements qu'il y a pour les Jeux Olympiques? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, tu vas faire quelque chose de sportif de ton côté? Je m'en fiche du foot, je m'en fiche des présidents, parce que ces gens-là, quand ils te voient dans la rue, ils ne parlent même pas avec toi. Mais est-ce que tu pratiques un peu un sport? J'ai fait des sports, des arts martiaux, du MMA déjà, et je vais me remettre là. Ah, tu vois. Ah non, dès que j'arrête les cigarettes, je vais me remettre dans la musculation, mais je vais gonfler vite parce que je suis déjà gonflé. Je suis naturel. Dieu m'a donné un corps naturel balèze. C'est-à-dire quand je veux faire de la muscule. Prends le micro parce que sinon on t'entend pas. Mais il marche pas. Si, mets-toi un casque. Mais mets-toi plus.